Une feuille, une cig, un pétou et mes yeux brillent. Je finis seul, c'est ce qu'ils veulent. Jack Miel Coca et je décolle. Bon, je suis seul, pas d'amis. J'ai fait le buzz, ils me grattent la bise. Les fox et traître, pourquoi tu te mêles? Je m'en prends au calme. Solo, je fais ma vie solo. Casse pas la tête, je nique tout, je veux le chrono. Crois pas que c'est cool, je crache, je tout le temps. Malheur s'affole pour avoir un salaire. No, ça passe plus à mode. Strahis, on pitch son bol. No, je traîne dans ma ville. Toi, quand je te vois, tu files mon poteau. Prairie, ça skill. Ouais, prairie, ça skill. Pour qui tu te prends, imbécile? Tu fais le cola. Tu mets le fuego. Oh, j'ai envie de fighter. Viens, si tu veux qu'on se file, mon fils. Je crois que t'as oublié. Oui, je crois que t'as oublié. Qui passait les billets. Elle est bonne cette terre. J'suis trop cramé. Avec ma clique dans le golf cette terre. J'bois avec mes nerfs. J'sais ce que t'as de vénère. J'veux qu'on me respecte pour ce que j'fais. J'veux pas qu'on me vénère. Pleure pas, rigole. Ouh, y'a plein de folles. Te colle si tu rafales ou que ils sont sur toi raffoles. Quelle vie de malade. Quelle vie de malade. Ça attend que tu sortes chez toi. Ça casse ta porte ou ça escalade. Trop de gens bizarres. Trop de masques sur les visages. Trop voir les visages de sous son jeans caché strict visant. Solo, j'fais ma vie solo. Casse pas la tête, j'nique tout, je veux le chrono. Crois pas que c'est cool, j'crache, j'tout le temps au boulot. Fais pas le frère, j'te crame et m'fais pas le frère. Solo, j'fais ma vie solo. Casse pas la tête, j'nique tout.